sa guitare dans les bras, son manteau comme un radeau. Il se tient toujours là, sur les dalles du métro. Un fauve écorché qui ne possède rien que des années jetées dans la marge du destin. Sur tous ses coups durs, une clé de sol est tatouée. Pour chaque point de suture, une main agrippée. Aux musiques, aux colères, son seul point de repère. Une touche désaccordée au milieu du clavier. Balafré jusqu'au cœur. V'là le blues de la rue. Blues des bannis, balancé dans la vie. Sa guitare dans les bras, son manteau comme un radeau. Il joue du bottleneck sur une autre planète. Sous des tonnes de béton et sur l'eau des frissons, il joue pour les marées qui remontent escalier. Ouvrière fatiguée, adolescent perdu, cœur solitaire qui refond l'inventaire. Des regards terre à terre en quête d'absolu, on en fait des talk shows entre deux commerciaux. Balafré jusqu'au cœur. V'là le blues de la rue. Le blues des bannis, balancé dans la vie. Le blues des bonheurs, balafré jusqu'au cœur. Tiens toujours là la guitare dans les bras. Pour tous ces regards au fond de la mémoire, c'est plus fort que lui. Il va jouer toute la nuit, balafré jusqu'au cœur. Les blues de la rue, les blues des bannis, balancés dans la vie. Balafré jusqu'au cœur. Les blues de la rue. Les blues des bonheurs. Balafré.